Mais pardonnez mon ignorance, mais qui fait le salon d'écoute à midi? C'est Julia Holter et Taishi Ueda. Ah d'accord. Magnifique, merci pour cette transition très pertinente. Parce que là, on est à midi, non? Il est midi moins 50 secondes. Mais on peut faire là des annonces. Mais on peut parler des annonces. Du jour, comme on peut remercier Jérémy. Et d'ailleurs, je crois que c'est ta dernière présence à la radio. Et non. Demain, vous venez ensemble avec Attila. Ouais, on va essayer de venir ensemble. Demain, rendez-vous à midi moins un quart pour les feux d'artifice entre Attila et Jérémy. Ça va être quelque chose. Donc aujourd'hui, tout de suite après nous, vous pouvez écouter le partage d'écoute avec Taishi Ueda et Julia Holter. À 14h, il y aura à la salle de jeu atelier L'œuf ou la poule, donc un atelier pour les 0 à 107 ans. À 15h, au salon d'écoute, concert électroacoustique. Donc là, ça sera une programmation de l'équipe du salon d'écoute. Et donc, il y a différentes pièces. Je n'ai plus le programme sous les yeux. Alors, Christine Groux, L'heure alors s'incline, Doug Air, Salinas, Tarkio et Sumatra. Pali Meursault, pour chaque solution, il y a un problème. Et Chino Amobi, Airport Music for Black Folk. Donc, ce sera diffusé par la MEG, à savoir Olga Kokcharova et Thierry Simoneau. Et Antoine Siron. Et à 18h, on retrouve Taishi Ueda et Julia Holter pour un concert dans la grande salle. Mais d'abord, il y a un atelier ami et atelier madame, c'est de la sérigraphie, non? Ah, j'avais pas vu, pardon. De 17h à minuit. Ouais. Très bien. Et ça, c'est, je pense, dans le hall d'entrée. Dans le hall d'entrée, c'est ça, juste à côté de la billetterie? Dans le vestibule, pour être exact. Très bien. Et à 20h, donc on retrouve Sarah Ennis qui était là tout à l'heure pour nous parler de son travail et de son lien avec le compositeur Michael. Je ne sais jamais si on dit Michael ou Michael Ranta. Oui. Elle interprétera une composition de Michael Ranta d'abord en solo, puis avec Eclecto. Enfin, à 22h30, au salon d'écoute, on écoutera un live de Caroline Profanter et puis une interprétation d'une pièce d'Hildegard Westerkamp. Voilà. Voilà quoi? Voilà. On a fini. À table. Et Caroline Profanter et Hildegard Westerkamp qui seront avec nous demain à la radio. Exactement. En chair et en os. En chair et en os. La boucle est bouclée et bouclée et bouclée. Bouclons encore un petit peu. On peut la boucler encore un petit peu. Bon, donc, au plat du jour, c'est au festival qui commence dans. Tu vois, le plat du jour commence dans quelques minutes. Oui. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. Non. Mais il y aura une fourchette, certainement. Peut-être même un couteau. Il y a des fourchettes, des couteaux. Il y a souvent un dessert. Un dessert. Des fois, il y a même une grosse cuillère parce qu'il y a de la soupe. Il y a de la soupe. Parfois, il y a même des plats du jour composés à. Bah là, on entend le chariot de la cuisine qui passe dans le couloir. Donc c'est bon signe. C'est un bon signe. Mm-hmm. Bah on vous conseille, c'est pas cher et c'est très bon. Et puis, il y aura à voir le tête-à-tête entre Jérémy et les gagnants du concours. Le tête-à-tête-à-tête. Le tête-à-tête-à-tête à la table numéro 5. Voilà, et comme ça, Jérémy pourra vous faire écouter en personne ces bruits de parquet. C'est laquelle, la table numéro 5? C'est celle à côté de la 4 et avant la 6. Ouais, c'est... Avant la 6? Oui, c'est okay. Entre la 4 et la 6. La 6, c'est... C'est sur le côté où il y a le 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et de l'autre, c'est 7, 8, 9, 10. Donc à droite, quand on regarde en direction du Salève ou du Jura? Quand on regarde... Ah pardon, vas-y. Ah. Non, je croyais que des tables, il n'y en avait que 4, mais je n'ai pas bien compté. Quatre tables. Quatre tables. Non, il y en a plus. En fait. Je crois qu'ils ont rajouté 6 pour qu'on puisse avoir la 5. D'accord. Ouais, exactement. Ouais, pour aujourd'hui, pour le samedi. Ouais. Et parce que aussi, il y a de plus en plus des gens qui viennent à manger. Donc dépêchez-vous, oui. Dépêchez-vous de venir au salon d'écoute aussi, hein, qui va bientôt commencer. Qui va bientôt commencer dans 25 minutes, comme c'est, à la fin c'était prévu. Hein. Non, apparemment les gens rentrent. Ah. Ils rentrent à petit. Est-ce qu'on peut mettre le bruit des gens qui rentrent pour voir si le bruit du parquet du salon d'écoute. Mélangé avec le bruit du parquet de Jérémy. Je peux mettre que les gens. Est-ce qu'on peut. Ah, c'est rassurant. Finalement, il y a. Voilà. Ça, est-ce que tu peux rajouter le bruit de parquet de Jérémy? Le parquet de Jérémy. Oui. Jérémy. Ah voilà. Ça marche bien. La salle est comble. Ouais. Mélanger comme ça fait un peu des gens qui ont mal au ventre quand ça entend le bruit de. Non. Bon, le parquet, c'est une souffrance de l'arbre. Ok, en fait, je crois. En fait, c'est un laboratoire de création sonore ici à la radio. On reconnaît ça. On se retrouve demain, on va aller. Oui, malheureusement pour vous, on est là encore demain. Exactement. On sera un peu moins. Bah, tu pourras nous appeler à la radio. Dans ce cas-là, au revoir Antoine, si tu n'es pas là demain. Ouais. Non, mais je reviendrai pas. Tu reviendras. Tu vas revenir pour le plat pour du démonter. Jour. À midi, en tout cas. Ouais. Bon, merci Antoine. À bientôt. Merci Jérémy. Merci. Ciao, ciao. Merci, Clara. Archi Radio. La radio du festival Archipel. En direct de 10h à midi sur archipel.org.